Actu, débat, culture, idées, musique. Ça c'est l'Europe. Vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe & Roll. Ça c'est l'Europe. Bonjour et bienvenue sur Fadjet, vous êtes bien à l'écoute d'Europe & Roll, votre émission préférée mais un peu enrhumée. Comprendre et décrypter l'actualité européenne, accompagnée de délicieuses musiques du continent, dans la joie de vivre et dans la bonne humeur, voilà l'objectif de notre émission diffusée, on ne le rappellera jamais assez, le dimanche à 13h et le lundi à 17h30, mais également disponible en podcast bien sûr. Retrouvez-nous donc sur Spotify en tapant simplement Europe & Roll dans votre barre de recherche. Aujourd'hui, journée de joie, journée de liesse au studio, car aujourd'hui, Europe & Roll parle de fête. Alors que le célèbre Oktoberfest touche à sa fin outre-Rhin, notre fine équipe d'animateurs fait le tour d'horizon des pratiques culturelles liées aux boissons alcoolisées en Europe. Vin, bière, champagne, sangria ou même vodka, cet après-midi, il y en a pour tous les goûts. À mes côtés, mon cher Elias et ma chère... c'est Mathilde. bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, après une paire de musique choisie avec soin par le duo Cécile et Mathilde, une tripotée d'animateurs d'Europe & Roll nous rejoindra pour nous faire rêver de leur voix enivrante. Avant de nous lancer dans cette émission, c'est l'heure du journal européen avec le merveilleux Elias. Et on commence chez nos voisins italiens où la gauche modérée remporte les élections municipales. Lors des élections municipales partielles en Italie dimanche et lundi, les sociodémocrates ont réalisé de très bons scores dans les grandes villes. À Milan, le candidat sortant centre-gauche Giuseppe Sala du parti Europa Verde s'est imposé dès le premier tour à la majorité absolue. Les résultats sont marquants puisqu'ils symbolisent un retour aux valeurs de gauche que sont la justice, l'égalité et la protection sociale. Le parti démocratique d'Enrico Letta a proposé des candidats capables d'être inclusifs et ouverts au changement pour rebondir et gérer l'après-Covid. L'extrême droite, quant à elle, a quasiment disparu du nord du pays, mais aussi à Rome avec l'effondrement du mouvement 5 étoiles. Coup de tonnerre dans la sphère politique européenne. La Cour de justice de l'Union européenne annule des accords municipaux avec le Maroc. Avec le Maroc. Le tribunal de l'Union européenne a invalidé deux accords d'agriculture et de pêche entre l'Union européenne et le Maroc au motif que ceux-ci affectaient également le Sahara occidental annexé par le Maroc. La juridiction qui fait partie intégrante de la Cour de justice européenne a statué que Bruxelles ne pouvait pas conclure de tels accords sans le consentement de la population sahraouie. L'annulation de ces contrats s'avère plus que problématique pour l'Espagne puisque plus de 92 bateaux espagnols ont actuellement le droit de pêcher dans les eaux sahraouies. Le journal espagnol, La Vanguardia, salue toutefois le respect de l'Union européenne des droits du Sahara occidental. Malgré une réunion des représentants des États de l'Union européenne, les Balkans occidentaux ne semblent pas prêts d'adhérer à l'UE. Les représentants de l'Union européenne et des États des Balkans occidentaux se réunissent ce mercredi 7 octobre en Slovénie afin d'affecter l'élargissement de l'Union européenne. Les discussions restent en revanche tendues puisque les États membres ne sont pas parvenus à s'entendre sur une date d'adhésion concrète pour la Serbie, l'Albanie ou la Macédoine du Nord et n'ont promis que des investissements de bas montant, que de 9 milliards d'euros. Le Fencerdi List, journal conservateur croate, critique la portée réelle de cette rencontre. Elle souhaite que les États se lient davantage entre eux afin de créer un espace régional de libre-échange, puisque pour ce journal, on attend d'abord les résultats d'une démocratie européenne avant une intégration. On reste à l'est de l'Europe, puisque les révélations des Pandora Papers ont fait du bruit, notamment en République tchèque. Les Pandora Papers, ces révélations de personnalités qui ont placé leur argent dans des paradis fiscaux grâce à des montages financiers, mettent en effet en cause le premier ministre tchèque Andrej Babiš. L'apparition de son nom dans cette affaire est d'autant plus marquante qu'Andrej Babiš a toujours lutté de manière implacable contre l'évasion fiscale et soi-disant payé tous ses impôts en République tchèque. Le Premier ministre pourrait dénoncer dans les prochains temps des manigances de l'establishment et faire ainsi diversion de ses propres problèmes politiques internes. Enfin, la Roumanie connaît une certaine agitation politique. Oui, le gouvernement libéral de Florin Cîțui, roumain, a été renversé par une motion de censure initiée par le PSD et soutenue par le parti réformiste libéral,

Alors, comme vous le savez tous, nous venons d'entrer dans le mois d'octobre. L'été est définitivement terminé, remplacé par l'automne. Nous passons du bleu du ciel et de la mer au rouge, orange et jaune des feuilles qui parsèment les arbres. La nuit reprend le dessus sur le jour, tandis que le froid s'installe progressivement, nous faisant quitter nos beaux t-shirts pour des pulls plus chauds. Mais le mois d'octobre, c'est également le mois de l'Oktoberfest. Alors que vous soyez amateur ou amatrice de bière, ou bien auditeur curieux et curieuse, je vous propose un petit voyage dans le temps pour découvrir la fabuleuse histoire de l'Oktoberfest. En 1810, Andreas Michael Dahlhardy, soldat dans la garde nationale de Bavière, eut la fameuse idée d'organiser une course hippique sur une prairie sous les murs de Munich à l'occasion de l'union entre le prince héritier de Bavière et la princesse Thérèse von Sachsen-Hildburghausen. Et cette prairie accueille toujours l'Oktoberfest aujourd'hui, non ? C'est exact. Cette prairie devient la Theresienwiese et sert aujourd'hui encore d'emplacement pour l'Oktoberfest. Après le grand succès de ce mariage, l'association agricole bavaroise fut fondée en 1810 et organisa pour la première fois, en 1811, une grande foire agricole centrale qui se déroula sur cette même Theresienwiese. Année après année, cette grande foire agricole fut organisée et un grand nombre de personnes, de tout milieu social confondu, participaient à ces festivités. Hélas, l'Oktoberfest connut une période difficile entre 1850 et 1880. Le choléra, les guerres austro-prussiennes et franco-prussiennes empêchèrent le déroulement des festivités et l'humeur des citoyens était loin d'être festive. Mais la fête reprit de plus belle à la fin du 19e siècle. L'Oktoberfest devient plus large, plus grand, plus festif et se mit à ressembler de plus en plus à la fête que nous connaissons de nos jours. De nombreux stands de nourriture, des carrousels, des tentes détenues par des brasseries munichoises s'installèrent progressivement sur la célèbre prairie. Ce qui avait débuté par une fête de mariage devient de plus en plus important et s'en transforma en fête régionale, fierté des Bavarois. En 1835, cette fête fut malheureusement récupérée par les nazis. Les juifs en furent exclus et le slogan nationaliste « Stolze Stadt, fröhliche Land » littéralement « Ville fière, campagne joyeuse » fut utilisé comme mot d'ordre durant ces années. Malgré cette période sombre, la fête reprit de plus belle après la fin de la Seconde Guerre mondiale, se débarrassant de toute étiquette politique. La fête de la bière se développa pour devenir la plus grande fête foraine du monde. Néanmoins, un événement tragique en 1980 troubla l'ambiance festive et bouleversa profondément les festivités. En effet, le 26 septembre, un militant d'extrême droite plaça à l'entrée principale une bombe qui provoqua la mort de 13 personnes, tout en blessant près de 200 participants. Cet attentat est considéré comme le plus meurtrier de l'histoire allemande. Mais de nos jours, l'Oktoberfest accueille chaque année près de 6 millions de visiteurs. Les Allemands ne sont pas les seuls à prendre part aux festivités. La fête de la bière attire également de nombreux étrangers. Néanmoins, la plus grande part des visiteurs et participants demeurent bavarois et l'Oktoberfest reste la plus grande fierté régionale de la Bavière. Or, malgré son nom, la fête de la bière se déroule entre la mi-septembre et début octobre. Mais cette année, l'Oktoberfest n'aura malheureusement pas lieu à cause de la situation sanitaire. Les amateurs et amatrices de bière devront attendre encore une année dans l'espoir de pouvoir à nouveau prendre part aux festivités traditionnelles, vêtus de leur dirndl et de leur lederhosen. Mais même si l'Oktoberfest est annulé cette année, pas question de déprimer. Le mois d'octobre vous réserve encore de nombreuses surprises, tout comme l'équipe de Rock'n'Roll. Alors je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois d'octobre et fias euch! Merci Salomé pour cette bien belle histoire, heureuse et aussi tragique. Espérons que l'année prochaine, l'Oktoberfest aura lieu et que nous pourrons en profiter. Comme tu l'as si bien dit, notre fameuse équipe est prête à vous réchauffer les cœurs, faute de bière. Salut Angelina! Hello! Tu nous parles aujourd'hui de quelque chose de sérieux. Car l'Oktoberfest et les boissons alcoolisées en Europe ne sont pas que des traditions, mais aussi de véritables marchés. Eh ben oui, parce que l'alcool ne sert pas seulement à réchauffer les cœurs et à animer les soirées gênantes, ça participe aussi à dynamiser l'économie. Et ça, on l'a bien compris en Europe. Et l'économie de l'alcool en Europe, c'est ce qu'on pourrait appeler une affaire de famille. 70% des exportations d'alcool se font entre les pays membres de l'Union européenne et presque 50% des importations. Au total, ces échanges de bons procédés alcoolisés rapporteraient 9 milliards d'euros en solde de la balance commerciale de l'Union européenne. Mais ici, on le sait bien, tous les alcools ne se valent pas. Donc de quel type d'alcool les Européens sont-ils friands? Sans surprise, en première place, on trouve la bière. Bien évidemment, entre les brasseries allemandes et les brasseries belges, on peut dire que les Européens ont l'embarras du choix. La plupart des bières exportées en Europe proviennent de Belgique et d'Allemagne, mais aussi d'Irlande avec la fameuse Guinness. Sans conteste, les champions en la matière à l'orge restent les Tchèques. En moyenne, un Tchèque consomme 6,92 litres de bière par an. À titre de comparaison, un Allemand en consomme 5,74. En France, on fait la fine bouche. Si on consomme moins de 3 litres de bière par an en moyenne, le Français consommerait 6,90 litres de vin par an. Ça ne nous empêche cependant pas d'être le premier importateur de bière européen. Parce que la taxation de l'alcool n'est pas uniforme, il existerait même des routes de l'alcool. Par exemple, il existe des drinking boats qui relient Helsinki à Tallinn, où l'alcool coûte moins cher. Ce qui est sûr, c'est que l'Europe est le premier consommateur mondial d'alcool. À l'échelle mondiale, l'Europe ne garde pas tout pour elle, elle est même très partageuse. On est certes les premiers consommateurs, mais on est aussi les premiers exportateurs au monde de boissons alcoolisées. Sur le podium des exportateurs de bière, on retrouve la Belgique en premier, suivie de très près par l'Allemagne et juste derrière se hissent les Néerlandais qui exercent un réel pouvoir avec la Heineken. Heineken, ce n'est pas seulement la bière, c'est aussi le deuxième plus grand brasseur du monde qui à lui seul réunit 10% du marché avec d'autres sous-marques telles que Affligem ou Belfort. Sans surprise, le premier brasseur reste belge. La multinationale se nomme AB InBev et règne sur plus de 30% du marché de la bière dans le monde. Avec de tels géants, on peut vraiment parler d'hégémonie européenne en ce qui concerne l'alcool. Bien sûr, il faut parler du vin. La France a une place très confortable avec 29% des exportations de vin au monde en termes de valeur. Son premier partenaire reste les États-Unis, suivi de la Chine, puis de l'Allemagne. Si le rouge reste apprécié de tous, la consommation de vin évolue de plus en plus vers le vin blanc. À L3, la France, l'Italie et l'Espagne représentent plus de 50% des exportations du vin au monde. En conclusion, si l'Europe raffole de l'alcool, on peut dire que l'alcool le lui rend bien. Alors dans un contexte où beaucoup évoquent l'idée d'une Europe de la sécurité, ou Europe de la santé, soyons fiers de ce que l'on est de toute façon, une Europe de l'alcool. Instructif comme toujours, merci beaucoup Angelina. Trop de choses sérieuses d'un coup, trop de chiffres. Un peu de musique pour détendre l'atmosphère. Bonjour. Bonjour Cécile. Bonjour Juliette. Oui, je crois qu'il est temps de se détendre un peu. Et par se détendre, j'entends sortir du studio, passer du temps dehors entre amis, fêter tous ensemble. J'espère que le programme te plaît, parce que voilà, Burning to the Ground par The Nickelback. I got a fist Merci pour ces excellents choix musicaux, Cécile. Bon, contrairement à ce que disent Nickelback, l'alcool, bah, ça a des règles en fait. Et surtout en Europe, et surtout dans les pays de l'Union Européenne. Bonjour Léandra. Bonjour. Bon alors, tu nous parles de la législation européenne sur l'alcool ? Oui, exactement. Donc, qui dit consommation d'alcool dit régulation de cette consommation. Et évidemment, la culture de la consommation de l'alcool est très différente de pays en pays. Cela se reflète entre autres à travers les réglementations des pays concernant cette thématique. Tandis que dans certaines régions du monde, la consommation d'alcool est totalement illicite, nous savons tous très bien qu'en Europe, cela est moins strictement perçu. Il y a cependant des grands écarts concernant les lois qui touchent à ce sujet dans différents pays de l'Union européenne. Par exemple, en ce qui concerne l'âge légal pour consommer de l'alcool dans le cadre privé, certains pays de l'Union européenne ne fixent pas de limite d'âge, comme par exemple la France, la Pologne ou la Bulgarie. En Allemagne, la consommation de bière et de vin est légale à partir de l'âge de 14 ans, avec la supervision des parents. En Espagne, Estonie ou Slovaquie, la consommation n'est que légale à partir de l'âge de 18 ans. 18 ans, c'est également l'âge minimum requis pour acheter de l'alcool dans la majorité des pays de l'Union européenne. Néanmoins, en Suède, l'âge légal nécessaire pour acheter tout type d'alcool est de 20 ans minimum. Et en Finlande, cette norme de 20 ans s'applique à la vente de spiritueux. En revanche, dans certains pays comme l'Allemagne, l'Autriche et la Belgique, la vente de bière et de vin se fait dès l'âge de 16 ans. Concernant les taux d'alcoolémie autorisés au volant, dans la grande majorité des pays, le taux maximal autorisé est de 0,5 g par litre de sang, soit 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré. Cependant, le taux maximal varie entre 0 et 0,8 g par litre dans les pays de l'Union européenne. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, les politiques à ce sujet des pays de l'Est sont plus rigides. Par exemple, en République tchèque, en Hongrie, Slovaquie et Roumanie, il faut avoir aucune trace de l'alcool dans le sang pour pouvoir prendre le volant. Ce qu'on peut donc en conclure sur les différences entre les réglementations nationales de l'alcool dans l'Union européenne, c'est que ces contrastes sont souvent dus aux politiques plus ou moins progressistes des pays au sein de l'UE et les traditions culturelles de ces pays. Ces réglementations, comme toute régulation dans notre société, vont probablement évoluer dans l'avenir. Il reste à se demander si dans l'avenir elles vont devenir plus contraignantes ou encore plus laxistes. Merci beaucoup de nous avoir renseignés de cette façon. On en apprend des choses, que l'Europe de l'Est n'est pas alcoolique, enfin, moi ce qu'on pouvait le penser. Merci beaucoup. Et avant de finir cette émission, avant de conclure par une dernière musique choisie par notre duo préféré. Rions avec Lucas, qui se prend pour un animateur de France Inter, clairement, et nous livre des brèves désopilantes. Salut, Lucas ! Salut Juliette, oui, qui dit Oktoberfest dit bien évidemment des anecdotes toujours plus loufoques. On va donc se détendre un peu et faire un rapide tour d'horizon des meilleures anecdotes de l'Oktoberfest de ces dernières années. Et c'est donc l'heure des brèves. Mais dis donc, Lucas, on commence fort avec une belle histoire de famille. Et oui, il faut savoir que l'Oktoberfest semble décidément bien rapprocher les gens entre eux. Le personnel d'un hôtel à Munich a raconté qu'il avait trouvé un homme nu et saoul sur le sol. Ils l'ont donc mis dans une chambre vide pour qu'il récupère. 30 minutes plus tard, le même personnel retrouve un autre homme nu et ivre, le place dans la même chambre que le premier. Le lendemain, les deux hommes se sont présentés à la réception et il s'agissait en fait d'un père et de son fils. Une belle preuve de complicité père-fils, n'est-ce pas Juliette ? Que c'est beau quand une famille se retrouve. Mais à l'Oktoberfest, on ne retrouve pas que des pères et des fils, on retrouve aussi des objets. Comme dans tout grand événement, la liste des objets perdus est impressionnante. Pour l'édition 2014 de l'Oktoberfest, on a retrouvé notamment un dentier, comme quoi les grands-parents savent aussi faire la fête. Autre objet trouvé, des chaussures de ski, une belle preuve que les grands sportifs savent gérer toutes les descentes. Et sinon également retrouvé à l'Oktoberfest un boulet, et on ne parle pas de votre ami qui ne sait pas se tenir. Et enfin, écoutez bien, on a retrouvé pas moins de 900 cartes d'identité, et donc autant de personnes qui se sont retrouvées dans le pétrin pour rentrer chez eux. Mais l'Oktoberfest, c'est avant tout un grand enjeu pour les grands sportifs. Je ne te le fais pas dire, Juliette, c'est avant tout une question d'endurance, puisque l'Oktoberfest met le foie à rude épreuve, et en particulier pour ceux qu'on appelle les grands sportifs. Ceux que j'appelle comme ça, ce sont ceux qui arrivent à tenir les 12 heures d'affilée de chaque journée de l'Oktoberfest, et ce, sans finir en crise de foie. Et croyez-moi, c'est tout un art. Alors rassurez-vous, les grands sportifs ont leurs petites habitudes. Comme le confie un habitué au Zinrock, il s'agit en fait d'alterner une chope de bière normale et une chope de bière sans alcool. Tout là réside, je cite, dans le fait de faire durer les vases pour ne pas s'écrouler. lui pourrait entrer dans l'histoire, non pas pour ses performances sportives, mais pour la rupture la plus insolite. Et oui Juliette, je te disais tout à l'heure que l'Oktoberfest rapproche les gens, mais à chaque règle son exception évidemment. Lors de l'Oktoberfest en 2014 toujours, un jeune américain s'est rendu au bureau des objets trouvés en cherchant, tiens-toi bien, sa petite amie. On n'a malheureusement pas d'informations sur son taux d'alcoolémie à ce moment, mais on lui aurait vivement conseillé de ne pas revenir aux États-Unis avant un petit bout de temps. Pourquoi ne pas en profiter pour retourner faire un tour à l'Oktoberfest finalement? Et pourquoi pas Lucas? Si seulement l'Oktoberfest n'était pas annulé. Avant de nous quitter, mais... Tenez-vous bien, hein, vous pouvez quand même toujours nous retrouver les dimanches à 13h, les lundis à 17h30 et en podcast tous les jours de l'année à toute heure. Du coup, sur Spotify pour les podcasts et sur Radio Fadjet pour la radio, hein, bien sûr, sans vouloir vous énerver, avec ce petit rappel, bien sûr, 94.2 à Nancy. Pour finir cette émission en beauté, une douce mélodie avec un petit tour du côté de la Suède. Et oui Juliette, un petit peu de tourisme, aujourd'hui on vous propose une chanson traditionnelle de Midsommar, grande fête suédoise qui célèbre le solstice d'été et emblématique pour ses danses et ses chants qui s'accompagnent bien souvent de quelques gorgées alcoolisées. Préparez-vous à écouter Yanta Oya ou Une jeune fille et moi en français du groupe Sven Ingars. Vad tog det vägen? Åh jänta, åh ja, åh jänta, åh ja. Allt ut i gröna lunden, åh ja. Åh jänta, åh ja, åh jänta, åh ja. Allt ut i gröna lunden. Där stal jag mig en kyss av rosande röd. Och talte om för henne hela min nöd. Och frågte om hon ville dela mitt bröd. Och hon svarade ja på stunden. Åh jänta, åh ja, åh jänta, åh ja. Allt kommer sönder svaga, åh ja. Åh jänta, åh ja, åh jänta, åh ja. Allt kommer sönder svaga. Där råkar vi varann i fräsande fröjd. Och aldrig jag någonsin känt mig så nöjd. Jag kastar mina ben i himmelens höjd. Och hoppar över alla taka. Åh jänta, åh ja, allt i den sätter körka, åh ja. Så trogen.